sur papier, tu vois la date. Y'a toutes sortes d'âmes dans la part. Tu veux me tester par là-bas. Kaitsu Yamaha. Sur papier, tu vois la date. Y'a toutes sortes d'âmes dans la part. Mais tout c'est vie, ma dîme. Mon sang, mon rap, ma ville. Beat en prison, un chino volant, drive, tourne en rose patine. Me fais pas de manière, je prends mal. Tu en bats ta l'air, veulent s'en aller. Tu cliques dans le dos, dans le fond, je m'emballe. J'suis pas néo, je skip pas les balles. On s'en fout de quitter de où t'habites. De ces balances, de ces sales flics. Ça boit, ça sera trop classique. Ça vole, ça va frimer au David. Y'a la capulerie en tâtre. Y'a les petits qui veulent tout tâtre. J'suis dans mon monde, ma galaxie. Pour les frères qu'ils ont relâché. Pas là-bas, tu veux me tester pas là-bas. Les couilles, passe pas au check, ça veut te dépouiller. Ça décharge les peines, ça nettoie les douilles. Et quand un frère sort, on dit alléluia. Fais pas de soleil, tu niques la bavette. Toi tu fais la fête, mais t'es qu'une cagette. Chez moi en porche, chauve-le dans chalette. Je déguste la vie sur le grand-père à nager. Fais comme t'es sur une autre planète. Ça fait une première fois, tu te vois pas net. Ça se met à deux pour boire une canette. Accroche les gars qui tiennent les manettes. Et je tourne en scène. Pas trop, ça tombe quand je suis sur la scène. T'as reconnu le bruit de la mazette. Propose un truc check à trois sur la selle. Pas là-bas, tu veux me tester. Y'a tout sort d'un